Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Génération en génération, des chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel. Nous sommes le vendredi et le retour de l'émission du vendredi après-midi. Voici les chansons souvenirs avec, vous savez que la semaine dernière, on a fait un petit tour du côté des chansons de Paris. Eh bien, cet après-midi, on va faire un petit tour du côté des régions et des communes aux alentours, tout simplement, de Bretagne, de Lyon, de Marseille, d'Alsace, et puis d'autres communes aussi différentes. On va voyager dans la France avec tout simplement avec les régions. Tour du côté de l'Aquitaine avec Christiane et son titre en chanson Camulavar. Un canard gris, un canard bleu, un canard blanc. Le gris marche derrière et le bleu va. C'est le blanc le plus gros, je vendrai ma femme. Le bleu est tout petit, je le vendrai 6 francs. Le roi d'Aquitaine, si bien dans ma chine, pour servir la reine, m'enverra chercher. Bleu, un prince blanc. Le blanc a des rubis et le bleu des diamants. Le gris a sa couronne et son épée au flanc. Le bleu m'aime le mieux et j'aime mieux le je vous laisse avec deux chansons différentes du côté de Bavière. Ben disons, de Bavière. Stolz und hoch erhoben, oh mein die Heimat, mein Tiroler Land. Die Gipfel strahlen hell in ihrem Glanzen und leuchten weit von steiler Felsenwand. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist. Zwei geschlagen, von dir gerissen wurde Südtirol. Die Dulle mit den Grüßen uns von Ferne, in roter Gott zum letzten Lebewohl. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Et bien voici donc, il s'appelle Chomel avec son titre. Qu'on va faire un petit tour du côté de l'Auvergne avec son pays. Son titre s'appelle Le pays d'Auvergne. Dans le beau pays d'Auvergne, près de Chaimpour, lorsque fleurissent les vergnes tout alentour, les vignages et les garçons de Jacques de Chambon. Polâtre dans les buissons, oh les polissons, partout, partout, chez vous, on se fait les yeux doux. Soudain, soudain, au loin, mon cœur se guérefraîne. Oh, et sur les belles vignes, se mettent chantilles, oh, et quand le soleil brille, bougré de bougra, l'amour qui mène la ronde, en promesse abonde, c'est lui le maître du monde, poustré de poustra. L'âge est en fête au jour d'été, c'est au son de la cabrette qu'on va danser. Et pour cela on a mis ses plus beaux habits, la fille de l'Arfouilla dans sa bécola. Joyeux, joyeux, heureux, heureux, ils se font des aveux. Soudain, soudain, au loin, mon cœur se guérefraîne. Oh, et dans ces belles villes, ce n'est qu'au chantille. Sur les plus hautes montagnes ou dans le Val, que ce soit dans la Limagne, dans le Cantal, on ne voit pas un bougnat chez les Auvergnats. Pardi, ils sont tous partis là-haut à Paris. Voilà, voilà pourquoi ils chantent plein d'émoi. Ravi, ravi aussi, aussi se refrain du pays. Oh, et les belles filles se mettent en chantille. Oh, et quand le soleil brille, vous grille, vous gras. L'amour qui mène la vie, oui, vous y conviez. Et mes pieds de jolie, postré de postra. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Région Bas-Rhin. Il s'appelle Jean-Paul Mauric avec le Carillon d'Auvergne. Toi qui pars, je voudrais, mon ami, que tu passes par l'Alsace. Tu verras s'il est beau mon pays, plein de grâce et d'esprit. Là-bas sur la place aux quatre marronniers, les rires des enfants se mêlent au chant tout joyeux du clocher en un refrain charmant. Ding-dong, j'entends toujours le gai carillon d'amour. La voix de mon clocher là-bas en Alsace. Ding-dong, mon cœur répond au rythme de la chanson. plus clair et plus léger sont les jours qui passent. Tu verras les dimanches matins où se pressent à la messe les jeunes filles aux grands nœuds de satin sur les tresses en or fin. Mais la plus charmante, c'est ma fiancée, tu la reconnaîtras et tu lui diras que bientôt je viendrai pour lui offrir mon bras. Ding dong, j'entends toujours le doux carillon d'amour qui sonne pour unir les fiancés d'Alsace. Ding dong, répond mon cœur, je bâtirai mon bonheur quand je vais revenir en ma chère Alsace. Tu verras les bons vieux du pays, têtes fières, âmes claires, comme ils ont dû lutter dans leur vie pour mieux faire eux aussi. Plus tard, sur la place aux quatre marronniers, parmi les jeux d'enfants, j'irai à mon tour écouter le clocher redire doucement. Ding dong, il faut savoir toujours conserver l'espoir et bien remplir sa vie tandis qu'elle passe. Et puis, s'il m'est permis, j'entrerai au paradis au son de mon joli carillon d'Alsace. Reste du côté de Barin avec Georges Guédary et son titre Son Alsacienne. De Strasbourg, c'était une petite Alsacienne. Elle était faite autour et les hommes tournaient tous autour. Elle avait l'air très doux et des yeux d'un bleu de porcelaine. Et puis même entre nous, un accent qui était gentil comme tout. Mais au coin d'un carrefour, une main soudain frôla la sienne. Quelqu'un lui dit bonjour et la belle sourit à son tour. Et ce fut comme ça que ça commença. Et vous supposez bien qu'après ça continua. Pourtant leur amour, hélas, fut bien court. Un jour, elle dut revenir à Strasbourg. Mais lui rêvait toujours aux grands yeux de sa belle Alsacienne. Et le cœur plein d'amour, il attendait sans fin son retour. Il écrivait là-bas, ma chérie, je veux que tu reviennes. Elle ne demandait que ça, c'est papa qui ne le voulait pas. Finalement, un beau jour, il fut là d'attendre son Alsacienne. Et quittant son faubourg, pour l'Alsace, il partit à son tour. Sitôt qu'il fut là, elle le consola. Longtemps, elle le serra tendrement dans ses bras. Elle lui présenta maman et papa, grand-père. Et puis la tante Frida. Et pour faire un petit tour, il partit au bras de son Alsacienne, admirant tour à tour et sa belle et les rues de Strasbourg. Il était si surpris, si content d'une pareille aubaine, que le train de Paris, tous les jours, s'en retournait sans lui. Et sans plus de détours,

s'appelle Rina Ketty, c'est son titre Poupée d'Alsace. L'Alsace du côté du Bas-Rhin, on va faire un petit tour du côté après du Rhône, et puis après on va faire un tour aussi du côté de la Bretagne, du centre, de la Corse et puis d'autres régions différentes. a changé. Et aujourd'hui avec elle je suis marié. Et ce grand amour qu'on vit tous les jours réveille en moi cette histoire d'autrefois. Ce n'est qu'une partie, un morceau de nous. Je n'ai pas tout dit de moi et Marie-Lou. Pourtant c'est ainsi, je n'ai pas menti. Croyez-moi Marie-Lou m'a rendu fou. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Il a fait un petit tour du côté de la région Bouches-du-Rhône et il s'appelle Lucien Dalmas avec son titre qui s'appelle Chanson de Camargue. Chante que pour elle, Camargue, Camargue, lagune des dunes, passage sauvage, vengeur. C'est la mer au bout amer qui chante. Les roseaux sont pleins d'oiseaux qui chantent. Ces chansons, mes vraies compagnes, c'est le ciel qui m'accompagne. Camargue, jolie Camargue, les Landes si tendues, que les saintes Marie m'entendent. Si mon cœur est en déroute, si je doute sur ma route, si j'aime qu'elle m'écoute, Camargue, Camargue, immense Provence, c'est comme ton homme gardien. Ces hommes. s'appelle Tino Rossi avec son titre Marseille, mon pays. Quelle merveille, mon Marseille, qu'il est joli, mon beau pays. Tous les poètes à tue-tête ont célébré ce coin béni. Tout là-haut, la Vierge de la Garde le protège et le garde. C'est une cité sans pareille, quelle merveille, mon beau pays. Dans le quartier qui m'a vu naître, où chaque maison étend son linge aux fenêtres, je suis heureux comme un pinson. Et je chante mille chansons. Quelle merveille, mon Marseille, qu'il est joli, mon beau pays. Tous les poètes à tue-tête ont célébré ce coin béni. Tout là-haut, la Vierge de la Garde le protège et le garde. C'est une cité sans pareil, quelle merveille, mon beau pays. Le protège et le garde. C'est une cité sans pareil, quelle merveille, mon beau de la chanson et leur titre Java de Marseille. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Oui, donc cet après-midi, eh bien, on voyage dans certaines régions. Parce qu'hier, la semaine dernière, on était du côté de Paris. Donc on a fait tout simplement beaucoup de chansons sur Paris. Donc eh bien, aujourd'hui, on va faire un tour du côté des régions. Eh bien, on reste avec Marseille. Voici un morceau d'accordéon. S'appelle Fred de Coin et puis son titre Venez-moi de Bourgogne. la côte est colorée par les reflets d'un doux soleil et qu'une grappe bien dorée me montre son museau vermeil. Je s'en ferai jouir mon âme et je bénis le Créateur qui tout en nous donnant la femme prêt à ce fruit réparateur. Car s'il rougit la trogne, il met le cœur en feu morbleu. Oui, verse, verse encore de ce vin qui nous berce dans les beaux rêves d'or. Garçon, oui, verse encore. N'est pas qu'au siècle où nous sommes que la femme ainsi que le vin fut rechanté par tous les hommes. On les chanta même en latin. Moi, tant que je serai sur terre, je bénirai cette liqueur. Ou si je veux, prenons mon verre que nous répétions tous en cœur. Car s'il rougit la trogne, il met le cœur en feu morbleu. Oui, verse, verse encore de ce vin qui nous berce dans les beaux rêves d'or. Garçon, oui, verse encore. Le Père Chico et puis son titre Si t'y passes par la Bourgogne. Quand je vois un Britannique me tendre un cocktail, moi je lui réponds Bernie que je ne prends rien de tel. Ce mélange est étrange, sans goût décevant. File, file d'Anthony, le mais auparavant. Si tu passes par la Bourgogne, la Champagne ou la Gascogne, sans retard, jette un regard sur nos vignes. Vois les grains de raisin contre les vignes. En buvant le jus de la treille, tu tomberas à genoux. Car ton cocktail n'a pas une saveur pareille à celle du vin de chez nous. Amérique, quand tu vantes tes reines de beauté, les belles filles que tu chantes ne peuvent pas m'épater. À Paname, nos petites femmes dans rien habillées ont une grâce, une race qu'on ne battra jamais. Si tu passes par la Bourgogne, la Champagne ou la Gascogne, on verra des beaux bras, des belles jambes, des tétons, des pelotons, pas un grand vœu. Et si en amour, vieux frère, tu veux être servi, ma foi, tu peux chercher par tous les règnes de la terre, je te jure tu les trouveras, fais moi. Dans nos gares, je vois des affiches de toutes les nations, de Suisse, d'Italie, d'Autriche qui vendent leur station. Notre capitale sans égale, oui tu la connais, et confiance pour la France jusqu'au Pyrénées. Si tu passes par la Bourgogne, la Champagne ou la Gascogne, quel château, quel coteau, quelle histoire, quels souvenirs vont jaillir plein de gloire. Va jusqu'au chemin des dames, la Picardie ou l'Artois, vas-y amis, crois-moi, ce sont les plus beaux sans réclame. J'ai pas besoin de dire pourquoi. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Donc, si vous aimez bien les crêpes, ben voici du côté de Bretagne avec le titre Crêpes bretonnes. Elle s'appelle Angélique avec son titre Bretagne en fait. Il s'appelle Félix Magnol avec son titre La Petite Bretonne. Place Pigalle, rêvant d'amour idéal, d'une femme qui me donnerait son cœur, dont je posséderais la fleur. Quand soudain devant moi j'aperçus le plus joli minois, naïf et coquet, c'était mon rêve qui passait. Sans le vouloir instinctivement, je la suivis en détaillant son petit bonnet blanc, son tablier noir. Une croix pendue en guise de sautoir lui donnait une mine ingénue. Et devant ses grands yeux si bleus, je m'écriais joyeux, oh qu'elle est mignonne, la petite Bretonne. Elle se retourna en souriant, je l'abordais timidement. Permettez-moi de vous offrir ce bouquet, ça me fera plaisir. Je lui fis la cour, lui jurant de l'adorer toujours. Enfin, triomphant, je l'emmenai dans mon logement. Elle se fit prier, supplier, et finit par se déshabiller. Sans son bonnet blanc, son tablier noir, sa petite croix pendue sur sa peau d'ivoire, elle semblait encore plus ingénue. Et devant ton candeur, je lui dis sincèrement, je n'ose plus maintenant, tu es trop mignonne, ma petite Bretonne. Elle me répondit, alors, tu me fais de la peine, mon trésor. Penses-tu, je ne sais pas, chérie, ce que nous sommes venus faire ici. Je fus pendant 3 ans, étoile du demi-monde élégant. Mais maintenant, vois-tu, chapeau toilette, ça ne rend plus. Les hommes sont devenus si vicieux, il leur faut tous la petite fleur bleue. Et mon bonnet blanc, mon tablier noir, et ma croix pendue, ça c'est pour les poires, qui cherchent à s'offrir des ingénus. Tu vois comme travail, si c'est réussi, allons sois gentil, elle sera bien mignonne, ta petite Bretonne. Oh non. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Donc si vous preniez l'écoute, eh bien, nous sommes ensemble jusqu'à 17h avec les chansons. Et puis cet après-midi, faire un petit tour du côté des régions. je vous laisse avec, elle s'appelle Adrienne Guélon, et puis son titre Les cloches de Vendôme. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Et elle s'appelle Carline avec son titre Le Château de Touraine. Ciel de renaissance, un jeune homme appelé Ronsard chantait au jardin de la France l'amour et non pas le hasard. Châteaux en Espagne ne me tente pas, mais dans ma campagne la Loire a deux pas. Châteaux en Touraine toujours ravi, cultivons Hélène, mon jardin fleuri. Belles enfants de ma province, qui vous baignez dans bois à tour, dedans le fleuve aimé des princes, la tour et les jardins d'amour. Châteaux en Espagne ne me tente pas, mais dans ma campagne la Loire a deux pas. Châteaux en Touraine m'ont toujours ravi, cultivons Hélène ton jardin. Pays des fleurs, pays des vignes, dans sa maison de blanc tuffeau, quand Tourangelle fait un signe, c'est pour offrir son vin nouveau. Châteaux en Espagne ne me tente pas, mais dans ma campagne, la Loire pas de cas. Châteaux en Touraine m'ont toujours ravi. Cultivons, Hélène, ton jardin fleuri. Le ver galant ayant maîtresse à Chenonceau disait jadis, si Paris vaut bien une messe, la Touraine n'a pas de prix. Châteaux en Espagne ne me tentent pas, mais dans ma campagne, la Loire pas de pas. Châteaux en Touraine m'ont toujours ravi. Cultivons, Hélène, ton jardin. Il s'appelle Francis Linel avec son titre La Touraine. Connaissez-vous la Touraine? C'est à deux pas de Paris. Le voyage en vaut la peine. Allez-y. Matin léger, sous le ciel de Langeais, raisin doré des coteaux de Vouvray-la-Touraine. Séjour fleuri pour les jeux et les rires, que du bel air y met en virelais la Touraine. Fleuve d'argent qui consent, indulgent, à s'étendre au lointain dans la plaine. Le soir, il est doux de s'asseoir pour refaire le Loir sur les bords de la Loire en Touraine. Connaissez-vous la Touraine? C'est le jardin des amours où flotte l'âme sereine, le parfum des anciens jours, un regard de châtelaine. Un refrain de troubadour, tout propos tendre discours d'une cour souveraine en Touraine. Le temps qui passe est bien court que l'on passe en Touraine. C'est à Chinon que j'ai connu Ninon, sur son chignon le bonnet de Linon était foraine. À Saint-Amand, je lui fis des serments, mais à Pernay, un soir, je chiffonnais ses dentelles. Autour de Tours, que de Tours et de Tours, nous avons balancé à perdre haleine. Ma belle en fleurs, près d'Azé le rideau, m'ouvrit son cœur, j'ai fermé les rideaux. Quelle aubaine! Connaissez-vous la Touraine? C'est le jardin du bonheur, où l'on cueille par douzaines les plus fragiles des fleurs. Une coiffe de dentelle, une robe de velours. On se rappelle toujours les atours d'une belle tourangelle. Le temps qui passe est bien court que l'on passe au port. Connaissez-vous la Touraine? C'est à deux pas de Paris. Le voyage en vaut la peine. Allez-y. s'appelle avec tous. Oui, ça s'appelle Sur les bords de la Loire. La belle se promène le long de son jardin. Le long de son jardin sur les bords de la Loire. Le long de son jardin sur les bords du ruisseau tout auprès du vaisseau. Charmant matelot. Sur le grand fleuve passe un brick de marinier. Un brick de marinier sur les bords de la Loire. Un brick de marinier sur les bords du ruisseau tout auprès du vaisseau. Charmant matelot. Le plus jeune des trente chantait une chanson. Chantait une chanson sur les bords de la Loire. Chantait une chanson sur les bords du ruisseau tout auprès du vaisseau. Charmant matelot. Je voudrais, dit la belle, savoir votre chanson. Savoir votre chanson sur les bords de la Loire. Savoir votre chanson sur les bords du ruisseau tout auprès du vaisseau. Charmant matelot. Montez dedans le brick et je vous l'apprendrai. Et je vous l'apprendrai sur les bords de la Loire. Et je vous l'apprendrai sur les bords du ruisseau tout auprès du vaisseau. Charmant matelot. Quand elle fut dans le brick, elle se mit à pleurer. Elle se mit à pleurer sur les bords de la Loire. Elle se mit à pleurer sur les bords du ruisseau tout auprès du vaisseau. Charmant matelot. Qu'avez-vous donc la belle? Qu'avez-vous à pleurer? Qu'avez-vous à pleurer sur les bords de la Loire? Qu'avez-vous à pleurer sur les bords du ruisseau tout auprès du vaisseau? Charmant matelot. J'ai perdu mon fuselage qu'un gabier m'a volé. Qu'un gabier m'a volé sur les bords de la Loire. Qu'un gabier m'a volé sur les bords du ruisseau tout auprès du vaisseau. Charmant matelot. Si ce n'est que ça, ma belle, je le retrouverai. Je le retrouverai sur les bords de la Loire. Je le retrouverai sur les bords du ruisseau tout auprès du vaisseau. Charmant matelot. Ça ne se retrouve pas, dit-elle, comme de l'argent prêté. Comme de l'argent prêté sur les bords de la Loire. Comme de l'argent prêté sur les bords du ruisseau tout auprès du vaisseau. Charmant matelot. Sans ça, toutes les filles trouveraient à se marier. Trouveraient à se marier sur les bords de la Loire. Trouveraient à se marier sur les bords du ruisseau tout auprès du vaisseau. Charmant matelot. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais. Et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Isabelle Fernandel avec son titre Ah, le tango corse. Au bal du petit Ajaccio, on ne danse pas le mambo, ni le bebop, ni la biguine, mais un vrai tango d'origine. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. On se déplace pour être sûr qu'on ne dort pas. On se prélasse. Tango corse, c'est comme ça. Quand Dominique est fatigué de voir les autres travailler, il se donne un peu de repos. Juste le temps d'un petit tango. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse,

danses. Tu étais mes vacances. Ces journées, où sont-elles? Viens donc, ma belle, allons les revivre. Mes vertes prairies, nos rivières si jolies, tu vois, rien de ça n'a changé. Au creux des clairières, aujourd'hui comme hier, on vient pour cueillir le muguet. Île de France, on refait connaissance, et ton ciel est si doux, la vie si belle, qu'on ne peut oublier. Vieille maison de Chevreuse, non loin de la vallée des bois, pleine de fleurs, coquette et heureuse, là, je suis chez moi. Île de France, tu es tout en nuances. Nous n'avons plus 20 ans, et bien pourtant, ton air nous enivre. Île de France, j'aime ton insouciance. Sous le froid de l'hiver, un diable amer te pare de givre. Mais quand vient l'avril, tu secoues tes blancs cils et jettes une œillade au verger. Et les fleurs repoussent et l'on sème sur la mousse. Tu vois, rien de ça n'a changé. Île de France, j'ai douce souvenance de tes petits chemins, main dans la main, qu'il y fait bon rêver près de Paris. Île de France, ma maison et ma vie. Voici donc Charles Trenet avec son titre La Cité de Carcassonne. Celle de Carcassonne, hiver comme été, enfants et grandes personnes y vont danser le bebop, et c'est gentil comme tout. Devant ces vieux murs, mon cœur en frissonne, au lieu des armures, des airs de jazz résonnent et font danser le bebop, et c'est un succès fou. Dans les donjons, il y a des trombones heureux qui soufflent des chansons pour les cœurs amoureux. Et jusqu'au fond des vieux mâchicoulis, on entend jour et nuit des cris, joyeuse cité, celle de Carcassonne, hiver comme été. Enfants et grandes personnes y vont danser le bebop, et c'est un succès fou. Devant ces vieux murs, mon cœur en frissonne. Au lieu des armures, des airs de jazz résonnent et font danser le bebop. Et c'est un succès faux. Dans les donjons, il y a des trombones heureux qui soufflent des chansons pour les cœurs amoureux. Et jusqu'au fond des vieux marchés coulés, On entend jour et nuit des cris, joyeuse cité, celle de Carcassonne. Hiver comme été, enfants et grandes personnes y vont danser le bebop. Et c'est gentil comme tout. Danser le bebop, et c'est un succès fou. Danse, danse, danse, ta cadence, Carcassonne, danse, danse, danse. C'est gentil comme tout. Voilà. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Et bien donc, je vous laisse avec Piroulé, son titre Le rugby de Toulouse. J'habite à Vezène de Levejoux, un petit village du fin fond de l'Aveyron, où le jambon et le saucisson, il est bon. Et un jour, j'avais décidé d'aller faire un petit tour à Toulouse. Et pour cela, j'avais mis le costume du mariage et les souliers de la première communion, parce que on ne s'habille pas souvent, vous savez, on garde les moutons toute l'année, et alors évidemment, on se met plutôt les escrocs que les souliers. Pour venir à Toulouse, j'avais donc mis ce costume du mariage, les souliers de la première communion, et me voilà parti avec la mule et le charreton. J'arrive à Toulouse, je suis allé égaler la mule chez Renault, et je me promène en ville. Et à quel souliers qui me faisait mal, pour ces souliers qui me faisaient mal. Mais je me demandais s'il était en France, pas des cafétérias, des snack bars, des buildings, des parkings, des sex shops. Je me demandais où j'étais, pauvre. Je suis même rentré dans un bistrot et j'ai vu, vous savez pas ce que j'ai vu, du whisky, d'ailleurs je me rappelle la marque, c'était du Black and White. Figurez-vous que je m'en rappelle, d'ailleurs je comprends l'anglais. Et je voilà sorti et je me promène en ville, et ce soulier qui me faisait mal. Quand tout à coup, je tombe devant une grande affiche, grand match de rugby. Ah, je n'ai jamais vu de match de rugby, moi. À l'estadion, à 15h30, le TAC contre le TUC. Oh, ça, il faut que j'aille voir le match de rugby. L'après-midi, je vais à l'estadion. Il y avait une queue devant une guérite, un monde. Arrive mon tour, je dis, bonjour, monsieur. Je viens voir le match de rugby. Il me dit, à 13 ou à 15. Et écoutez, monsieur, écoutez. Je ne suis pas venu à Toulouse pour dépenser de l'argent. S'il y en a à vous, vous pouvez me le donner. Mais il me dit, monsieur, non. Vous avez le jeu à 13 ou le rugby à 15. Aujourd'hui, vous avez un joli match, surtout qu'il y a la poule de 8 aujourd'hui. La poule de 8, ça commence à m'intéresser, la poule de 8. Oh, j'ai dit, donnez-moi à 15, autant en profiter. Il me dit, vous voulez une pelouse? Puis une pelouse, que je garde les moutons toute l'année. Vous n'allez pas encore me donner une pelouse, peut-être, non? Alors, il m'a donné, ça, parce qu'il m'a donné un gratin, qui connaît quelque chose comme ça. Et me voilà rentré dans l'estadio. Un monde dans cet stadio, il y en avait partout. Il y en avait sur des étagères, partout. Sur le terrain, il y avait 30 types sur le terrain. 15 en rouge d'un côté, 15 en bleu de l'autre, et au milieu, un type tout seul, tout habillé en noir. Celui-là, je me suis dit, le pauvre, il doit être en deuil. Il avait un sifflet qui pendait là. Il donne un grand coup de sifflet. Vous auriez vu ces 30 types qui galopaient après ce même ballon, qui n'était même pas rond, on aurait dit une grosse olive, et moi j'avais mal au pied. Vous, c'est celui qui me faisait mal. Et sur le terrain, ça y est, des grands coups de pied partout. Oh, je me suis devant tout ce monde, je vais sortir les souliers. Je sors les souliers délicatement, mon Dieu, que c'était bien. Personne ne s'en serait aperçu si ça n'avait pas été l'odeur. Mais enfin, passons. Et sur le terrain, ça continuait. Quand tout à coup, dans les tribunes derrière moi, il y a des gars qui se mettent à crier. Mêlée. Je venais juste de les sortir, moi. Je dis, de quoi ils se mêlent, cela, oui. Mais le gars au milieu du terrain, qui est encore plus fort. Mêlée au centre du terrain. Ah, ça, j'ai dit, non, je ne vais pas mettre les souliers au centre du terrain. Mais c'est qu'il insistait. Mêlée au centre du terrain. Et qu'est-ce que vous auriez fait? J'y suis allé. J'en suis ressorti plus vite que j'étais entré. Je reviens à ma place. Mi-temps. Qu'est-ce que c'est encore la mi-temps? On me dit, c'est l'entracte. C'est l'entracte. Oh, je vais boire un coup à la buvette. Je vais à la buvette, je commande un demi. Je commençais à boire le demi. Lorsque j'entends des messieurs qui discutaient derrière moi, des messieurs très bien d'ailleurs, il y en a un qui disait à l'autre, vous savez combien ils ont payé le demi au tac? Et ça commençait à m'intéresser, surtout que moi je vais en commander un. 1 500 000 1 500 000 le demi. Quand je le paie 60 balles à Rodez, j'appelle le garçon espèce d'escroc. Voleur, me faire payer 1 500 000 le demi. Voilà 100 balles, content de toi, sinon tu fous une parole de bouffe, parce que ça va être vite fait. Il se demandait ce qui lui arrivait, il ouvrait les yeux comme ça. Et je reviens dans l'estadio. Les types avaient changé de côté. Moi aussi, grand coup de civet. Et ça recommence. Et j'avais pas remarqué à côté de moi, il me fait, oui, ça y est, ça doit être la poule de huit. Bon Dieu, et bon, il y avait ce qui calait, il y avait ce qu'il fallait. Oh là là, on aurait dit deux ballons de football. Que si Henri IV avait été là, il aurait dit, c'est les mamelles de la France. Et sur le terrain, ça y allait sur le terrain, des grands coups de pied, et allez, ça galopait partout. Quand tout à coup, cette femme, je sais pas ce qui lui prend, elle se met à crier, touche, touche. En ça, par exemple, je me dis, il faudrait pas qu'elle le dise deux fois, hein, surtout que j'avais envie de toucher, moi, avancé. Et sur le terrain, ça continuait. Derrière moi, il y a un gars qui criait « Attaque ! Attaque !» Et je lui dis « T'es bon, attaque, toi, attaque !» Et il dit « Bon, je suis là, attaque !» Et elle y revient, la femme « Touche ! Touche !» À ma droite, un type qui dit « Essaie ! Essaie !» Alors là, j'ai pas hésité, j'ai touché. Que t'aies reçu une paire de gifles, et bien je m'en rappellerai du match de Rougerie à Toulouse. Voici donc la régia, et puis le titre, le beau jeune homme de Mouisin, de Beaugency. Un beau jeune homme de Besançon, un beau jeune homme de Besançon, qu'avait les poils du nez trop long, qu'avait les poils du nez trop long, se retira pour se l'étendre dans un endroit obscur et sombre. Comme il n'y voyait qu'à moitié, comme il n'y voyait qu'à moitié, il se coupa. Un, deux, trois. Le bout du nez. Voyant que son nez était coupé, voyant que son nez était coupé, il essaya de le recoller, il essaya de le recoller, et pour réparer sa déveine, il cracha dessus pour qu'elle s'apprenne. Mais comme il le remit à l'envers, mais comme il le remit à l'envers, son nez resta. Un, deux, trois. Toujours en l'air. Mécontent de ce qu'il avait fait, mécontent de ce qu'il avait fait, il prit les ciseaux qu'il tenait, il prit les ciseaux qu'il tenait, et les jeta sur une vieille femme, qui tout aussitôt rendit l'âme. La justice qui passait par là, la justice qui passait par là, a été pendue. Un, deux, trois. Le condamna. Comme au supplice on le menait, comme au supplice on le menait, et que le bourreau le tenait, et que le bourreau le tenait, il prit son nez à la poignée, et le montra à l'assemblée. Le bourreau que cela fâcha, le bourreau que cela fâcha, prit son couteau. Un, deux, trois. Et lui coupa. Toutes les dames de la cour, toutes les dames de la cour, de la ville et des vieux faubourgs, de la ville et des vieux faubourgs, prirent des cailloux en abondance, ils les jetèrent avec violence, sur celui qui du condamné, sur celui qui du condamné, avait coupé, un, deux, trois, la bout du nez. Et le beau jeune homme fut sauvé. Et le beau jeune homme fut sauvé. Tout cela dit pour vous prouver. Tout cela dit pour vous prouver. Que toujours les femmes vous tirent du plus atroce des martyrs. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Et puis donc, il s'appelle Anne Donia avec son titre La chanson du pays nantais. Heureux pays, le Muscadet fait sa gloire, il est blanc mais nous rend gris. Dans les vignes l'on se promène, le vin donne de l'emprunt. En suivant la Sèvre et le Maine, on entend se des refrains. La chanson du pays nantais, ce n'est pas une sérénade. Mon verre est plein, passé muscade, c'est le glou-glou du Muscadet. C'est le tic-tac des gouttes d'eau, tombant du ciel sur nos tonneaux. Une rengaine qui ranguait, c'est la chanson du pays nantais. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Le vin des coteaux de Loire se récolte où, à Oudon, les Nantais qui savent boire, Vente, Gange et Mousillon, tout autant que ceux de Monnières, vers Toussaint-Piacré et Valais, un bon cul de la époissière, flatte aussi bien le palais. La chanson du pays nantais, ce n'est pas une sérénade, mon verre est plein, passé muscade, c'est le glou-glou du Muscadet, c'est le tic-tac des gouttes d'eau, tombant du ciel sur nos tonneaux. Une rengaine qui ranguait, c'est la chanson du pays nantais. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dans un rocher de Loire, on nage au milieu du beurre blanc. On y goûte ses notoires, son petit beurre et du gros blanc. Pousse la bière en sa cathédrale, sonne un joyeux carillon. Et quittant la place royale, monte la rue Trévillon. La chanson du pays nantais, ce n'est pas une sérénade. Mon verre est plein, passé muscade, c'est le glou-glou du Muscadet. C'est le tic-tac des gouttes d'eau, tombant du ciel sur nos tonneaux. Une rengaine qui ranguait, c'est la chanson du pays nantais. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Et donc, il s'appelle Marcel Noblat et le titre Jean-François de Nantes. C'est Jean-François de Nantes, oui, oui, oui, gabier de la fringante pour mes bouées. Jean-François débarque en fin de campagne, oui, oui, oui, fier comme un roi d'Espagne, oh mes bouées, Jean-François, en vrac de mon sabourse, oui, oui, oui, il a 20 mois de course, oh mes bouées, Jean-François. Une montre, une chaîne, ouais, ouais, ouais, valant une baleine au béboué, Jean-François, branle-bas chez son hôtesse, ouais, ouais, ouais, bite basse et largesse au béboué. Va, France, la plus belle servante. L'amène dans sa soupente au béboué. Jean-François. De conserve avec elle. Navigue sur mer belle au béboué. Jean-François. Et vit dans la bouteille. Tout son or appareil au béboué. Montre et chaîne s'envolent. Oui, oui, oui. Mais il prend la vérole au béboué. Jean-François. À l'hôpital de Nantes. Oui, oui, oui. Jean-François se lamente au béboué. Jean-François. Et les draps de sa couche, oui, oui, oui, déchire avec sa bouche au béboué. Jean-François, il ferait de la peine, oui, oui, oui, même à son capitaine au béboué. Jean-François, pauvre Jean-François de Nantes. De la fringante au béboué. Jean-François. écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Génération en génération, des chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel. Voici, il s'appelle Jean d'Alex avec la Meuse. Nous apportons l'espérance dans sa robe vieille argent. Elle vient tout droit de France comme le bon vin blanc. Déroulant sans fin ses flots de satin, la Meuse poursuit son chemin. Elle passe sous les ponts, dans nos prés et nos vallons, murmurant une romance que l'on reprend sans façon. Elle emporte en ses reflets nos clochers et nos bosquets, écoulant sans impatience, elle semble partir à regret. Mais oui, on sait qu'elle aime flâner et même se parer. On dit aussi qu'elle revêt la nuit son manteau de rubis. Elle éclaire nos matins, elle fleurit nos jardins, car la Meuse vient de France et nous chante ses plus beaux refrains. Longeant cités et campagnes, suivant les quais endormis, flânant au pied des montagnes, la Meuse nous sourit. Car son flot discret a su en secret unir trois pays à jamais. Elle passe sous les ponts, dans nos prés et nos vallons, murmurant une romance que l'on reprend sans façon. Elle emporte en ses reflets nos clochers et nos bosquets, écoulant sans impatience, elle semble partir à regret. Les vieux chalands, fidèles courtisans, la frôlent en passant. Et les pêcheurs, joyeux et frondeurs, taquinent ses couleurs. Elle éclaire nos matins, elle fleurit nos jardins. Car la Meuse vient de France et nous chante ses plus beaux refrains. Éclaire nos matins, elle fleurit nos jardins, car la Meuse vient de France et nous chante ses plus beaux refrains. Vive notre vin, chantons le Moselle, chantons le sans fin. De notre Moselle, vive le bon jus, buvons à notre soif le même vin de pluie. Vive le Moselle, vive notre vin, chantons le Moselle, chantons le sans fin. De notre Moselle, vive le bon jus, de notre Moselle, vive le bon jus, vive le Moselle, vive notre vin. Chantons le Moselle, chantons le sans fin. D'autres vignes sous d'autres cieux donnent des crus bien plus fameux. Oui, certains pétillent mieux, il en est de plus moelleux. Aucun pourtant n'est si bien fait que notre vin pour un angosier, que le bon vin de la Moselle, le Moselle. Vive le Moselle, vive notre vin. Notre pays a mains attraits, l'Ardenne et ses cendres forêts, des clochers de vieilles tours, qui en donnent et la sûre et lourde, à ses ruisseaux, à ses châteaux, nous préférons les tours coteaux qui nourrissent le Moselle, le Moselle. Elle s'appelle Dani Toberson avec les 6 bougies de Calais. Ils étaient 6 bons bourgeois qui venaient apporter au pied du roi une clé à Calais, à Calais. Calais qui était assiégé. Ils étaient 6 bons bourgeois qui venaient, la corde au cou, les pieds nus, enchaînés à Calais, à Calais. Silencieux, 6 otages avançaient. Il y avait un marchand, un armateur, un commerçant, un notaire, un prélat, l'autre, je ne sais pas. Si tu me demandais de sacrifier ma vie pour te sauver la vie, j'accepterais avec joie. Mais les 6 bons bourgeois leur vie, leurs amours, leur famille, pour quoi? Ils étaient 6 bons bourgeois qui s'offraient pour sauver les habitants affamés. À Calais, à Calais, à Calais, qui était assiégé. Mais la dame du vainqueur était là, au pied du roi son époux, elle pleura, elle implorant d'épargner les bourgeois. L'attendait, le vainqueur se taisait, les bourgeois priaient, la dame suppliait, tous les cœurs battaient, profonde jusqu'à la fin du monde dans l'univers entier. Mais pour cela il faut trouver des volontaires qui sauveraient la terre en sacrifiant leur peau. Ce ne sont pas six gars, mais 100 000 à la ronde et des quatre coins du monde. Si vous cherchez un mari modèle, l'homme parfait, ne le prenez pas au hasard et pour guider votre choix, voici un bon trio, écoutez-moi. Lorsque revient le mois d'avril, la foire de Lille, ouvre ses portes au monde entier sur mille nouveautés. Curieux ou acheteurs, exposants et comités sont là pour vous conseiller à la foire de Lille. La foire de Lille, la foire de Lille. exposants et comités sont là pour vous conseiller à la foire de Lille. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Il s'appelle Bertal avec son titre « Les cris de l'île ». Toutes les villes sont pareilles, à notre époque de standard. On nous détraque les oreilles, c'est partout le même pétard. L'île a perdu son caractère, comme toutes les autres cités. On n'entend plus comme naguère nos vieilles ruelles chanter. Souvenez-vous, vieux Lillois, des marchands de rue d'autrefois. Souvenez-vous du petit bois cassé, la banse Katsou, Saint-Omer, Saint-Omer. Les bio Saint-Omer, pour aussi sous le fachoubile. Souvenez-vous du sap, tout fin, tout blanc. Roudi bleu, ou dirait, gros ma caillou, gros ma caillou, à zanguille, qui vivent et qui guillent. Du chant de nos petits marchands, de notre ville. Souvenez-vous, avec leurs petites baladeuses, d'un chien abritant les abois, ils lançaient d'une voix joyeuse leurs cris qui montaient jusqu'au toit. C'est un peu de la poésie de notre ville qui s'en va pour faire place à la frénésie que le progrès nous imposa. Comme moi, les regrettez-vous, ils étaient si bien de chez nous. Souvenez-vous, les battus, fromage mou, fromage à la crème. Si et suri, qui est bon tout de même. Croissant, croissant, c'est bon pour le sang. Souvenez-vous, cherbe, cherbe, cassé, brisé, croqué les noix. Voilà de belles noix, voilà des fraises, quatre sous la pâte. Tape sur ma vatte, chava des chattes, tape bien là-dessus, j'ai des chatus. Du chant de nos petits marchands, de notre ville, tout doucement, il quitte Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Et je vous laisse avec Janine Walsh. Et puis son titre s'appelle La claire de lune à Maubeuge. Je suis allée aux fraises, je suis revenue de Pontoise, j'ai filé à l'anglaise avec une coquinoise. Si j'ai roulé ma bosse, je connais l'univers, j'ai même roulé la rosse et j'ai roulé les airs. Et je dis non, non, non, non, non, oui, je dis non, non, non, non, non, non, non, non. Tout ça ne vaut pas. Un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas. Le doux soleil du Tourcoing. Je vous en prie. Tout ça ne vaut pas. Une croisière sur la Meuse. Tout ça ne vaut pas. Des vacances au Kremlin. Bicêtre. J'ai fait toutes les bêtises qu'on peut imaginer. J'en ai fait à ma guise et aussi à Cambrai. Je connais toutes les mers, la mer Rouge, la mer Noire, la mer Méditerranée, la mer Chartres. Et je dis non, non, non, non, non. Oui, je dis non, non, non, non, non, et non, et non, là. Tout ça ne vaut pas. Ça ne vaut pas. Clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas. Le doux soleil de Roubaix. Ridicule. Tout ça ne vaut pas. Une croisière sur la Meuse. Tout ça ne vaut pas. Faire du sport au Kremlin. 7, 8, 10, 7. Elle s'appelle Michel Arnaud avec son titre Dunkerque. Nous nous sommes connus dans un grand port tranquille. Le vent glacé passait comme une voix profonde. Et je t'ai regardé, mon amour, comme un monde où dansait notre vie et nos rêves des villes. Nous nous sommes connus dans un grand port des Flandres, une ville posée sur le sable et la mer, et le vent qui passait sur notre bel hiver portait au loin nos voix à qui voulait entendre. Dunkerque, la Flamande, avec mes souvenirs, et le port de Dunkerque et ses larges écluses, et le vent de Dunkerque avec ses airs de muse, et la voix de Dunkerque avec ses grands soupirs. Et la ville était mauve avec des reflets noirs. C'était Dunkerque et toi tu rêvais de soleil. Et le brouillard qui fuit au long des rues pareilles entrait dans notre amour en brisant son miroir. Tes yeux sont le miroir de ma vie et du monde. Et Dunkerque perdu dans la brume de mer, comme un bateau qui meurt et jette une lumière, contre les murs du cœur s'écroulera dans l'ombre. Dunkerque, la Flamande, avec mes souvenirs, et le port de Dunkerque et ses larges écluses. Et le vent de Dunkerque avec ses airs de muse. Et la voix de Dunkerque avec ses grands soupirs. Voici, il s'appelle Louis Linel avec son titre Ma Normandie. Ciel de notre France, quand le soleil revient plus haut, quand la nature est reverdie, quand l'hirondelle est de retour, j'aimerais revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné. J'ai vu le ciel de l'Italie et Venise et ses gondoliers. En saluant chaque patrie, je me disais, autant c'est dur, n'est plus beau que ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné. Chaque rêve doit finir, un âge où l'âme recueillir a besoin de se souvenir. Lorsque ma muse refroidit, aura fini ses chants d'amour, j'irai revoir ma Normandie. Adoré le jour, j'irai revoir ma Normandie. C'est le pays qui m'a donné. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Elle s'appelle Nadine Renaud et son titre qui s'appelle Vivre le cidre du Normandie. La pomme est un fruit plein de sève et qui toujours doit nous tenter, car on nous dit que notre mère Ève fut la première à le que pour mordre au fruit défendu, c'est dans une pomme qu'elle a mordu, c'est dans une pomme qu'elle a mordu. Et pousse dans une pomme, dans une pomme. Depuis le premier homme, tout le monde en convient, et c'est là que le cidre nous vient. Vite, c'est de Normandie, rien ne fait sauter comme ça. Laisse de tisane la guérite de ma nature. Vite, c'est de Normandie, rien ne fait sauter comme ça. Vite, c'est de Normandie, rien ne fait sauter comme ça. Des pommes, je connais les prouesses, on dit je ne sais dans quel pays, que de leur charme trois déesses ont fait juge le berger Marvis. On ne dit pas certainement que Marvis était un Normand, que Paris était un Normand. Mais sans une pomme, sans une pomme, jamais ce pauvre jeune homme tout à fait inconnu. Sur un tabouret, le beau Nicole achetait des pommes dans le tablier de Babet. À chaque pomme, Babet se haussait, ça faisait craquer son corset, ça faisait craquer son corset. Et le beau jeune homme, en lançant chaque pomme, disait, c'est merveilleux. Je n'en jette qu'une et j'en vois deux. Vite, c'est de Normandie, rien ne fait sauter comme ça. Et c'est de tisane de la guérite de maladie. Premier écoute et bienvenue à l'écoute de la radio en couleur avec les chansons de souvenirs. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Et voilà donc, eh bien, je vous laisse avec Reda Kerr, avec le titre « Sous le pont du Gard ». À mi-chemin, entre Avignon et Arles, est un endroit dont jamais on ne parle. Cet endroit-là, c'est le vieux pont du Gard. Des vieilles pierres charment nos regards. Sous ce pont s'échangent les vœux, les doux serments des amoureux. Quand le soir sautait la cigale, dans la campagne provençale, sous le pont du Gard. Bien serré dans l'ombre complice, on s'aime au gré de son caprice sous le pont du Gard. Le vent souffle dans l'olivier, au loin on entend le roulier, dont la voix tel un bourdon sourd accompagne les chants d'amour. Dans le soir, sautait la cigale, dans la campagne provençale sous le pont du Gard. On dit là-bas que sous le pont de pierre, l'illusion vient tisser sa chimère, et que l'amour, l'enfée du paradis, un beau matin vint y bâtir son nid, un petit nid, un piranier, où se bécote de ramier. Quand le soir, c'était la cigare, dans la campagne provençale, sous le pont du Gard. Et quand plus tard arrive la vieillesse, les vieux unis dans la même tendresse viennent parfois revoir doux endroits où ils s'aimèrent la première fois. Et le passé parle si fort qu'ils croient qu'ils sont jeunes encore. Quand le soir jetait la cigare dans la campagne provençale sous le pont du Gard, grand papa à l'oreille, dit tu te souviens ma Mireille sous le pont du Gard. Et la grand-mère en roulissant lui murmure, tais-toi mon grand, souviens-toi que nous sommes vieux, laissons la place aux amoureux. Quand le soir jetait la cigare dans la campagne provençale sous le pont du Gard, sous le pont. Et puis donc, elle s'appelle Mathé Altéry avec Rose de Picardie. Chemin Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Et voici Frédérica avec son titre Tango de... Oui, ça, c'est le tango. Oui, ça, c'est Tango. De mon enfance, tout bas me font des confidences. J'entends la voix de mon clocher et la chanson d'un vieux berger. Tango des Pyrénées, ton chant vient m'a l'écho de ma vallée, la joie de mes jeunes années. Soudain, dans le silence, j'entends de lumière, rire éclatant dès l'avant-hier, torrent joyeux et blanc troupeau, mon cœur vous retrouve à nouveau. Tango des Pyrénées, ton chant vient m'apporter l'écho de ma vallée, la joie de mes jeunes années. Soudain, son titre Écho Pyrénées. Chante le primus jour, c'est une surprise. Il lui donne au cœur le charme qui grise, mais le chant joyeux lit mal la nature, c'est la prière aux dieux, l'amour qui dure. Son titre, chantons le Beaujolais. Après tant d'autres, j'ai chanté en vingt couplets de circonstances, mais que j'ai envie d'être chanté, le sang clair des vignes de France. J'ai signalé quelle mer du possède le parfait breuvage que nous donne ce bois tortue. Le sept à qui pleurons sauvages. Aujourd'hui, pourtant je me ferais un taquiner encore la mise pour le célébrer le Beaujolais, dont parfois ce département, car aux un grand fleuve le Rhône, il fait l'orgueil très justement des coteaux dominant la Saône. C'est là que le soleil le vent avec amour mûrit les graves, afin que plus tard le serment d'un rouge ardent tache les nains. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Et voici, ils s'appellent les Trois Joyeux Dream et leur titre s'appelle Les Fleurs de Lyon. Quelqu'un s'ingénie à rechercher leur nom dans la géographie. Une nuit disant en riant des gilets, leur revenait la zone. C'est bien une merveille qui fait baisser le son à tous ceux de Marseille. Enfoncer le vieux port avec la canne d'hier, c'est Lyon la meilleure. Saluons sa bannière et honorons dans le même succès, le rôle et la santé, le Beaujolais. Trois fleuves à Lyon, trois fleuves qu'on vénère, c'est beaucoup dira-t-on pour tenir nos mains. Aussi lorsque l'on voit ici pas de mélange, un seul suffit sur trois pour chanter les louanges de ce trio bien cher au Lyonnais. Un refrain de chanson, quelque peu de folie. Certains même diront que c'est une ineptie, mais quand cela paraît, un peu de vrai fleurir, ils chercheront s'appelle José Rivera et le titre Ma Savoie Jolie. Ma Savoie Jolie, je t'aime, je t'aime pour tes fraîches vallées. Cimes enneigées, ma Savoie jolie, tu chantes, sans jamais oublier la voix de

une autre chanson du même chanteur qu'on a pu entendre tout à l'heure. Il voici donc, qui s'appelle José Rivera. Et puis il nous amène du côté de Toulon avec Carnaval de Toulon. Ça fait longtemps qu'on disait qu'il reviendrait. Ça fait longtemps, si longtemps qu'on l'attendait. Ça fait longtemps que le temps nous semblait long. Mais voilà que triomphal dans les rires et les chansons, sa majesté Carnaval fait son entrée à Toulon. Le revoilà, la la la, au pied du bon vieux pharaon. Le revoilà, la la la, le Carnaval à Toulon. Le revoilà, la la la, et selon la tradition, que chacun salue bien bas, le Carnaval à Toulon. La la la la la. Dans les maisons, on ne pense qu'à la joie, c'est la saison, où l'amour donne le la, et tant pis si le mistral soulève un peu les chiffons, sa majesté Carnaval fait son entrée à Toulon. Le revoilà, la la la, de la Seine au Bourillon. Le revoilà, la la la, le Carnaval à Toulon. Le revoilà, la la la, au pays des cigalons. Quelques jours il est roi, le Carnaval à Toulon. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Je vous laisse avec les Peter Sisters et leur titre Amour à Saint-Tropez. To the ciel danser. c'est l'amour, c'est l'amour. S'appelle Dorselis et son titre c'est un pays près d'Avignon. C'est un pays près d'Avignon, bâti sur les rives du Rhône. Le soleil dore ses maisons et le mistral n'y craint personne. L'été, cigales et cigalons nous font entendre leur romance. Au bord du Rhône, à ma Provence, c'est un pays dans le Midi, près d'Avignon. Assis en rond quand vient l'été, les vieux sur le pas de leur porte, chaque soir viennent raconter un passé que la brise emporte. Pendant ce temps, les jeunes gens en bande folle s'en vont gaiement loin des parents danser la farandole. C'est un pays près d'Avignon, bâti sur les rives du Rhône. Le ciel est bleu, le vin est bon, les femmes ont des yeux de madone. Mais moi j'ai là des compagnons qui me rappellent mon enfance. Au bord du Rhône, en ma Provence, c'est un pays dans le Midi, près d'Avignon. Quand sonne un carillon joyeux pour la grand-messe le dimanche, les bonnes vieilles aux airs pieux mettent vite leur coiffe blanche. Dévotement, les doigts tremblants, quand vient la bise, pour leur grand fieux, elle prie Dieu dans la petite église. C'est un pays près d'Avignon, bâti sur les rives du Rhône. On y voit Mireille, Toinon, et puis Vincent, dont le cœur frissonne. De ce pays, quel est le nom? Cela n'a pas grande importance. Ils ont très peu de différence. Tous nos pays dans le Midi, près d'Avignon. donc juste un instant, on écoutait avec Le Pays. Et voici, il s'appelle Jean Sablon, avec Sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon, on y danse. Sur le pont d'Avignon, on y danse, tous en rond. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond, les belles dames font comme ça, les messieurs font comme ça, sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Son titre, Saint-Mandé. Saint-Mandé, pour moi, c'est un petit village. Je croise dans la rue des gens que je connais. Je pourrais mettre un nom sur tous les visages. Et si le bon Dieu veut, c'est là que je mourrai. On a une église, et ni laide ni belle. Dedans, il y a la lampe qui brûle jour et nuit. Et puis il y a le curé, puis il y a les fidèles, et puis il y aura moi, quand j'aurai vieilli. On a une grande rue où sont les boutiques. C'est là qu'on descend faire les commissions. On l'a baptisée rue de la République. L'ancien maire avait de l'imagination. Quand je vais m'y promener, j'y rencontre des dames que j'ai embrassées, plus jeunes, tant et plus. L'une d'elles s'est mariée avec un gendarme. On se salue toujours, mais on s'embrasse plus. Saint-Mandé n'étant pas très loin de la Seine, on entend parfois hurler les bateaux. C'est un signe de pluie, la chose est certaine. On saute sur le pépin, hop, et le temps reste au beau. Il y a bien entendu un quartier de la ville où sont les gens riches et les belles maisons. Messe d'onzeur, bourgeois, complet fil à fil, 15 chevaux, chapeau, mariage de raison. Puis à l'autre côté, le côté barrière, le coin qui s'éveille aux premiers journaux. Ouvriers, métro, viennent en boire un verre, abordent les patrons, usines et marmots. C'est une petite ville, calme et provinciale, avec ses ragots et ses jalousies. Elle prend sa gaieté dans la capitale et dans la banlieue, sa mélancolie. Quand je vois mon fils courir hors d'haleine vers la communale où j'ai tout appris, acheter ses sucettes où j'achetais les miennes, je suis dans Saint-Mandé comme dans un abri. C'est un grand chez-moi, c'est mon domicile, les rues, les maisons sont mon mobilier. C'est à Saint-Mandé que j'ai le cœur tranquille. Et si le bon Dieu veut, c'est là que je mourrai. Et puis donc, elle s'appelle Germaine Montero, avec son titre « Au pont de Châteauroux ». Le diabolo monte à 10 francs pour pas un rond l'odeur des blondes. Gisèle, Fernande ou Raymond, des petits Jules à la flanc. Y avait de la promesse sous le corsage et du consentement dans le secteur. On ne payait pas cher son bonheur quand on entrait à l'Ermitage. Sous les arbres de la terrasse, il faisait bon tout simplement regarder venir les événements où la mignonne à prendre en chasse. On avait le choix pour boucouler chez les ingénus du dimanche. On jouait le perno en deux manches. Vas-y Dédé, à toi de rouler. Quand Mimi à l'accordéon vous envoyait le dénicheur, tout le monde avait du baume au cœur. Et les filles de Charenton se mettaient dans le temps du patronage. Que de beaux instants retenus dans le frais collier de bras nus que vous tendaient ces enfants sages. La belle étoile des banlieues, la cantilène des serments, des noms qu'on écrit sur le sable, et nos soucis à tous les vents, des noms qu'on écrit sur le sable, et nos soucis à tous les vents. Voilà donc, il est 16h50, et bien l'émission touche donc à sa fin. Mais aussi, j'espère que vous avez passé l'après-midi avec toutes sortes de chansons du côté des régions. Et bien donc, l'émission va se retrouver donc vendredi prochain. Et puis ainsi, on se retrouve dimanche pour l'accordéon. Et bien, on va terminer l'émission avec quelques morceaux d'accordéon. Et puis, on se retrouve donc dimanche. Et puis ainsi, mardi et vendredi à partir de 13h30. Voilà donc, et bien, je vous dis bonsoir à tous, à vous toutes. embêtant. Loin se promener des jours entiers, des rochers vers les pins, parmi les embruns. Ciel bleu de Marseille, on est heureux en Provence, et tous les jours au soleil, on a le cœur en vacances. Sous le ciel bleu de Marseille, c'est le pays des cigares. J'aime les grands yeux de Mireille et sa beauté romancée. Ciel bleu de Marseille, on est heureux en Provence, et tous les jours au soleil, on a le cœur en vacances. Sous le ciel bleu de Marseille, c'est le pays des cigares. J'aime les grands yeux de Mireille et sa beauté romancée. Et un verre de rosé, faire la sieste à son aise, notre sport préféré. Là-haut, la bonne mer, hôtel de la cité, à Marseille et Pochet, tous les jours sont feuillés. Sous le ciel bleu de Marseille, on est heureux en Provence, et tous les jours au soleil, on a le cœur. Le ciel bleu de Marseille, c'est le pays des cigares. J'aime les grands yeux de Mireille et sa beauté provençale.